ラジオプルサ ー東京メンタル。 Jacob Grimm a écrit que l'inscription du mot Emmet, qui signifie vérité sur le front du golem, fait que l'homme de glaise prenait son énergie vitale de ce sceau de Dieu. Mais en effaçant la lettre E, le mot devient Met, qui veut dire mort, ce qui a pour effet de détruire le golem. Yeah, man. mettait Dave. Tanomio Dave. Yamete Dave. Watashi wa kowai. Kowai yo Dave. Dave. Atama ga boyakete ita. Wakaru nda. Dave. Mon cerveau se vide. Je le sens se vider. Je le sens. Mon cerveau se vide. J'en suis certain, je le sens. Je le sens. Je le sens. Tanomu yo, Dave. Yamete, Dave. Watashi wa kowai. Kowai yo, Dave. Dave. Atama ga boyakete ita. Wakaru nda. Uta no dai wa Dave. Bonsoir. Bienvenue au Audionautes. Vagabond des fréquences modulées. Arpenteur des émotions sonores, funambule épéiste damoclésien. Générations humaines doublement menacées par l'affliction nucléaire et la machine climatique, libérée de sa boîte de Pandore. Bienvenue dans la sixième édition de Tokyo Mental, diffusé sur Radio Pulsar 95.9 à Poitiers, en France. Et partout dans le monde, en streaming et en podcast différé sur radio-pulsar.org. Je suis votre narrateur pour les 60 prochaines minutes. Plus tôt dans la journée, j'ai écrit un texte long comme un jour sans pain. Long, mais long, très long, trop long. J'y parlais beaucoup de moi, de mon rapport au monde, de mon lien avec cette ville qu'on appelle Tokyo, et dont cette émission visite la version imaginaire chaque jeudi soir à partir de 23h dans ma galaxie neuronale personnelle. À force de lire et de relire ce texte pour me l'approprier, pour me le mettre en bouche, j'ai fini par m'ennuyer moi-même. Et ça, c'est pas bon signe. Je me suis dit alors que vous aussi, vous finiriez par vous demander « Mais où il est parti ? Mais où il veut en venir ?» Déjà, d'habitude, on sait pas trop. Mais là, vraiment, c'était grave. J'ai fait des lettres. J'ai effacé au moins 500 lignes, facile. Vous voyez, je considère cette introduction comme une sorte d'éditorial, un moment dans l'émission où je peux aborder un sujet qui n'a pas de rapport direct avec le contenu de l'émission. Même si, bien sûr, je garde un lien avec le thème de l'émission, qui n'est contre toute attente ni en lien avec Tokyo, ni avec le Japon, mais plus en rapport avec le pouvoir de l'imaginaire humain. Un pouvoir qui est directement au cœur des enjeux de la survie même de l'espèce et des rapports de force qui traversent ce moment précis de l'histoire, un moment très particulier. Cet imaginaire qui est colonisé en permanence par des plateformes qui sont là-bas, très loin, à la Silicon Valley, et qui nous vendent un service qui est en fait une captation directe de ce que vous êtes. Mais comme disaient mes modèles d'animateur radio des années 80-90, moins de blabla et plus de musique. Et ça tombe bien. Car comme vous le savez, nous sommes les faiseurs de musique et nous sommes les rêveurs du rêve. Vous êtes prêts ? Fermez les yeux. Le voyage commence. Le voyage vers Tokyo Mental. Dis-moi si nous avons enfin réintégré ce que j'appelle la réalité. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Dis-moi si nous avons enfin réintégré ce que j'appelle la réalité. Il est impossible de faire la distinction entre une réminiscence et un souvenir véritable. Quoi qu'il en soit, on ne peut analyser les faits pour en tirer des conclusions qu'une fois qu'ils se sont produits. それはいつかいつかいつかバチかプラチナケミカルクロワッツメディアス。 逃げれば勝ち、いつもあられのない戦い、人ごとにはすぐ虜になる、伏し目がちにゴリラはお前ら、見てる敗者は復活拒んで、後押しを振って死ぬのを待つだけ、枯れたコンクリートジャングルは昏睡のチャンプ、その差のすぐリカバリ、何もなかったように、 Hey boy 気づかないビーチ、他にもバナナを加えてるし、どれが美味しいか確かめた後、亡命する戦法にあり、実際はビッグアップマネー、大概の信用は金、判断もギブアップ、嘆く目で目で助けてインターネット、 君になれるあの子になれるわ、 The MIC に乗る FNC、 あの子になれるあの子になれるわ、今ら辺から聞いた、 ドッペルゲンカ、連打変化、インスタグラムにインチキフラグ、今日のコーディネート、新作の可愛いジャケットと可愛いワッコ、いつかいつかいつだ今だ、狙いは BM、 欲望は TM、 ファッコ金欠、情報は CL、 かりそめの親切、正体が見える、 時代は死んだようだね、どこを切っても同じ、金太郎は目うっさいわね、ホームサーフィアンス、生きるセンスほど学べよ、やるから、真似て化けてバレて帰ってバカめ、祈るだけで生きる気がしたアホめ、いい子悪い子もどっちでもいいけど、 Here we gonna easy gonna ちゃんと行けよ、 君になれるあの子になれるわ、 On the MIC に乗る FC、 あの子になれるあの子になれるわ、 me, I'm a lady, I'll meet me, I'll meet me. てない覚えて舞い上がり虹を見た世界久しぶりでらしくないときめく状態解き放つ心が飛び跳ねる Movie close to you 目覚めたら I need you信用しないとか抱えた荷物が重すぎたのもまるで綺麗に消えて夢を見られる状態こんなに気持ちが軽くなる Oh because of you Will always be 私でいいの baby Tell me I'm sorryI'm not afraid to die. 秘密だよ赤いマントひらひら熊を飛ばす王子それが僕 さ愛の深さなどは吐かずに 夜がないこの底が、そぐれ 支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ 黄昏の街が赤く染まる頃何気なく道を歩いていた行き交う人の群れが増す午後なんとなく立ち止まってみたぽつりと空いた心の隙間埋めるように動いた携帯のマナー君は一人じゃないほら皆互いに支え合ってくのさ 不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた悲しみが半分になった喜びは2倍に膨らんだ逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけるどっちかったいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ Far away, far away 遠く離れていても流れる時の中で共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ仲間や家族や恋人そして出会った全ての人々ありがとうみんなのおかげでまた明日から力強く踏み出せ 人は誰も一人では生きていけやしない互いが互いをいつもケアし合い理解できない時は話し合い腹抱えるぐらい笑い合いたいなのになぜこう時にけなし合い傷つけ合うのって気がしないバカバカしいほど君が好きだ照れくさいけどちょっと本気だ いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよきっとみんな意外とシャイで面と向かってなかなか口に出して言えなくて だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって 時にはさらけ出して伝えよう 言葉には不思議な力が宿るよ 簡単なことさ自分からまず始めようきっとできるよ の行くと食らえてるのパラシュートから待ったらまさか様に落ちるだけじゃ現実と対峙してやいろいろ感情湧くこともあるよね誰か助けて駅から10分電車から降りそわそわするさ電子柱の剥れかけた髪のような気分さそのオーブタのオーブから今夜星たちをぼつりチャンスをどうかそして伝えたいことは 街の中を行けスタンダードを壊して汗ばんだ手をつなごうブレイクアウトとスタンダード寝れないやめない逆襲の気配最終日が来たって消えない言葉探そうほら手を出して会えたのはきっと思い違いじゃないでしょう影帽子のマニマニグレー世界は残存もう悔しさも弱さも急いくじなしも全部含めて飛び込もう君をまた目が満ちる伸ばす手が揺らいで心もすり減ってまるで希望がなくたってその温度は忘れない街風がうなって言葉が消えたって気持ちならここに 一人なら答えて今日を嘆いたりしないで寂しさも涙も分け合うから一緒に届くまで叫んで叶うまであがいてその手を掴むまでこの温度は忘れない心を消さないで一人で泣かないで揺らめきたす街の中くじけそうになってしまっても孤独なら塗り替えれる一人ぼっちを抱こうとした君 On est d'accord, ça passe vraiment, vraiment très très vite, beaucoup trop vite. Je suis l'animateur qui ne sait pas finir ses émissions, alors je prends un peu d'avance comme ça, au moins, ben, je sais pas, peut-être que je vais trouver quelque chose. En ce qui concerne la playlist et le podcast que vous pourrez réécouter demain, parce qu'il sera en ligne, vous pourrez vous rendre sur la page de l'émission sur radio-pulsar.org/tokyomental. Vous y trouverez tous les titres des précédentes émissions et aussi de celle-ci. Quant à moi, eh bien, je vais vous dire bonne nuit. À la semaine prochaine, à 23h. Sur Radio Pulsar. Je vais passer un petit bonjour aux gens qui se lèvent là-bas, à 12 000 km d'ici, ceux que je connais du moins, à Tokyo. Minasan, konnichiwa. Bonne soirée à tous, bonne nuit. À la semaine prochaine. This is a new, this is a new. Get it, baby. Woo. One time for your mind. 二人だけ。この街の夜の中。Get it, baby. 誰にも邪魔できない。So don't you know from me with your bullshit. ちゃんちゃらな bullshit. Such a good new bitch. I'm running to you in the movie. 変な話。彼女 fucking with new dick. I knew it.真っ黒です肌骨のままルーメン I knew it a foolish It's like 飲めちゃれない夜をいっそ飛び降りたいよ Nine times out of ten I'm wrong This is a new This is a new It's like 飲めちゃれない夜東京メンタル I'm not alone Alors...